Assis, le mari de Samia. Zaouj, Samia. Écoutez et répétez. Le mari de Samia est médecin. Zaouj, Samia, tabib. La femme de Sami est avocate. Zaouj, Sami, muhamia. Le costume de Kamel est neuf. طقم كامل جديد. La robe de Salma est jolie. فستان سلمى جميل. Le chapeau de la dame est joli. قبعة السيدة جميلة. Le nom de famille est Jazaïri. اسم العائلة جزائري. La voiture du médecin est là. سيارة الطبيب هنا. Sa voiture est là. سيارته هنا. C'est la clé de notre maison. هذا مفتاح بيتنا. C'est le chien de notre voisin. هذا كلب جارنا. C'est mon cousin. هذا ابن عمي. C'est ma cousine. هذه ابنة خالتي. C'est la chambre des garçons. هذه غرفة الصبيان. Où est ma cravate? أين ربطة عنقي؟ Où est le chauffeur du taxi du médecin? أين سائق تاكسي الطبيب؟ Quand est votre anniversaire? متى عيد ميلادك؟